Le rap me donne des claques, c'est pas toujours si facile de se donner en spectacle, le projet passe même sans vaseline. J'ai du mal à suivre et parfois à m'asseoir. Je veux pas d'un massage dans ma suite, mais le cache d'un braquage de pharmacie. Je m'en tape de vos sables qui brillent, sapristi, je la vois à sabre qui se brise. J'arrive à voir les âmes qui se vident. On est sans l'envie d'or, pas d'art. Puis c'est la grosse pagaille, je me le trésor et change mes faces, bâtard. Tous les jours un champ de bataille, y'a pas de message dans la bouteille. Quand les gens se bagarrent, c'est pour que ça change de leur côté. C'est des airs rap belges, pas Eminem. Cette année ça bouge la tête, vénère. Les gars vont porter des minerves. Drôle de mine quand le terrain est miné. C'est la merde et ça me remplit de haine. De voir le niveau des miens diminuer, où ça mène. Jeté à la mer comme Oussama, j'étais grave toute l'après-midi. Et faut pas croire que dans mes poches le flou ça m'a. J'balance une bouteille à la mer avant de lever l'encre. Si j'termine tout def à la bière, j'tiendrai pas sur ce vélo pour le décollage. J'ai pas pris assez d'élan, j'suis tout vert comme c'est TLM. C'est long de sentir dans son élément. J'balance une bouteille à la mer avant de lever l'encre. Si j'termine tout def à la bière, j'tiendrai pas sur ce vélo pour le décollage. J'ai pas pris assez d'élan, j'suis tout vert comme c'est TLM. C'est long de sentir dans son élément. Et j'en place une pour Jisoon. C'est pas facile, on balance des bouteilles à la mer. On se prend des coups aussi. Je prie pas le Seigneur, est-ce un signe? Je préfère me dire que dans 6 mois ce sera mieux. Un CDD dans la vie, comme tout le monde j'ai signé. Pourquoi je reste inerte? Rien ne bouge d'un cil. Quand je me décide à faire une requête que je désire, le forum dit saignette. Tout passe si vitesse ainsi. Qu'on se freine, qu'on se perd. J'ai pas dû suivre les bonnes consignes. Et là j'attends la perte du père. Je croyais pas que les choses perduraient. Mental de perturbé quand je suis perdu, mec. Le GPS me signale à côté de Jupiter. J'écris des textes qui m'attristent. Attise mon art, une pépite d'or sous la matrice. Enfin, pas de quoi devenir monarque. J'ai plein de choses à dire. Mais parfois dur d'y mettre des mots. Faudra que je morte sur ma chic. Rah, la pute de ces morts. Je balance une bouteille à la mer avant de lever l'encre. Si je termine tout def à la bière, je tiendrai pas sur ce vélo pour le décollage. J'ai pas pris assez d'élan, je suis tout vert comme c'est TLM. C'est long de sentir dans son élément. Je balance une bouteille à la mer avant de lever l'encre. Si j'ai remis tout def à la bière, je tiendrai pas sur ce vélo pour le décollage. J'ai pas pris assez d'élan, je suis tout vert comme c'est TLM. C'est long de sentir dans son élément. Je balance une bouteille à la mer avant de lever l'encre. Si j'ai remis tout def à la bière, je tiendrai pas sur ce vélo pour le décollage. J'ai pas pris assez d'élan, je suis tout vert comme c'est TLM. C'est long de sentir dans son élément. Je balance une bouteille à la mer avant de lever l'encre. Si j'ai remis tout def à la bière, je tiendrai pas sur ce vélo pour le décollage. J'ai pas pris assez d'élan, j'suis tout vert comme c'est TLM. C'est long de sentir dans son élément.